Enregistre. Vous avez lancé l'enregistrement. 3, 2, 1, prout. Ok. C'est pas grave. Bonjour à toutes, à tous. Non. Salut à tous. Je suis Adrien. Et je suis aujourd'hui accompagné. Oh non, mais vous êtes sérieux? Mais vous m'entendez? Ok. Allez, on s'il vous plaît, je dois me dépêcher. Mais si seulement, mais même pas. Dans 2 jours, Inch'Allah. 3, 2... Non, on a déjà fait, je suis con. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Je suis Adrien et je suis aujourd'hui accompagné de Grushkov. Salut Grushkov. Et de Ika. Coucou Ika. Alors c'est un épisode un petit peu court et spécial puisqu'on vient d'avoir, il y a tout juste quelques heures, une news de la part de StarWars.com qui concerne 2 futurs jeux vidéo, a priori 3. Qui arriveront chez EA Games. Faut qu'on en parle. Ok. Ouais. On va justement. Et je vais commencer par prendre la main, ou plutôt la voix, et vous parler de la première des 3 annonces qui donc ont été faites à propos des futurs jeux Star Wars. Faut savoir que c'est des annonces qui sont directement édité, c'est des jeux qui vont être édités par... Il faut savoir que ce sont des jeux qui vont être édités par EA Games, mais qui sont même développés par Respawn, à qui on doit l'excellent Jedi Fallen Order, qui était sorti il y a maintenant 2 ans et demi. Donc ça, voilà, ça commence à faire un moment. Et justement, je vais commencer par vous dire que, on le savait, hein, c'était pas une surprise, mais il me semble que Jedi Fallen Order 2, ou en tout cas Jedi 2 a priori, est annoncé hein, officiellement, puisqu'on nous dit sur le site officiel de StarWars.com que la prochaine histoire de Star Wars Jedi, donc ça ne s'appellera pas à mon avis Fallen Order, eh bien, est toujours chez Respawn et est donc dirigé par Peter Hirschman, qui est le réalisateur du jeu, mais également hein, toujours le d'autres... D'autres personnes qui travaillent encore dessus, comme Stig Asmussen, qui, il me semble, travaille également dessus, hein, à qui l'on devait l'excellent God of War 3 il y a très longtemps maintenant, hein, pour les plus vieux d'entre vous qui se rappellent. Et donc voilà, on aura la suite des aventures de Cal, on l'espère, ou en tout cas, on aura un autre jeu dans ce même style. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Est-ce que les amis, vous êtes chauds pour cette annonce? On espère aussi, hein, et on pense, comme une majeure partie des internautes, que le jeu se montrera pour la Star Wars Celebration, ou non, pardon, pour le... si, c'est ça, ça va être pour le... Non, c'est pour le 4 mai, je crois, non? Non, c'est le May the 4th. On pense que... Attends, je vais regarder quand même, parce qu'il me semble que la Star Wars Celebration, c'est justement pendant le 4 mai. Ah, ok, voilà. Bon, je vais en parler, ok. Ouais. Alors, a priori, comme beaucoup d'internautes se demandent et infirment, a priori, hein, comme beaucoup d'internautes, on s'attend à avoir une révélation, en tout cas, à ce que le jeu soit montré en mai. Alors, est-ce que ce sera pour le 4 mai, pour May the 4th, hein, le jour de Star Wars, ou également que... putain, gros, Je savais. Ou même également à la Star Wars Celebration qui se passera fin mai dans une ville qui m'échappe. Est-ce que vous saurez quelle ville déjà cette année, les gars? La Star Wars Celebration. Anaheim. Oui, c'est vrai, Anaheim. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, on verra. Affaire à suivre, naturellement. Nous vous parlerons de toutes les annonces qui vont être faites à ce moment-là. mais aussi hein, du jeu qui sortira et qu'on a hâte de faire au podcast. Piou! Si, si, mais je n'aime pas faire les bruits du... C'est pour les transitions. Ouais. J'ai le temps, c'est Grushkov. Grushkov, nous avons eu 3 annonces et je te laisse faire la deuxième qui ravira, à mon avis, de nombreuses personnes qui écoutent ce podcast. Ça va être cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai FPS Star Wars. On a vu Star Wars Battlefront, qui était, moi je trouvais pas terrible, les deux. Mais ah oui, moi vraiment je trouve pas ça, je trouve pas que ce soit des bons jeux. Voilà, j'annonce vraiment. Oui, ça marche bien, mais bon, le jeu en soi, il est vide, quoi. Il est vide et il est, enfin, je sais pas, la maniabilité, t'avais l'impression de contrôler des tanks, quoi. Et vraiment, je sais pas, je... Ouais, mais je sais pas, genre... Non, je... Peut-être, ouais. Mais pour le coup, ouais. Ouais, c'est ça, mais pour le coup, là, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que, a priori, hein, Titanfall 2 est vraiment, vraiment bien. Donc on verra bien, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je vais juste dire un truc, parce que tout à l'heure j'avais fait une connerie. J'avais parlé pas de Stig Asmussen, mais j'avais parlé de. Ouais. Ouais, t'aurais dû m'en couper. Ouais, je vais dire. Le jeu est réalisé toujours par Stig Asmussen, qui donc avait travaillé déjà sur le premier jeu. Put. Ok, je mets ça au cas où. J'avais parlé, en fait, je m'étais trompé de réalisateur. Ouais, c'est ça, ouais. Ika, tu vas nous parler d'un jeu qui ravira également de nombreuses personnes, et moi le premier. Grushkov aussi, hein, est très heureux, je pense. C'est parti. Ah oui, incroyable. Meilleur jeu du monde. C'est oui, c'est un studio qui a été fondé il y a très très très peu de temps. Hein. Voilà, donc c'est vraiment. Ça va, hein, pour premier projet, travailler sur un Star Wars, c'est pas mal. Et voilà, cette émission est déjà terminée. Merci à vous, Grushkov et Ika, c'était une joie de vous retrouver comme d'habitude. On est d'accord. Naturellement, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour entendre parler des prochaines annonces. On essaiera de couvrir ça un maximum et soyez-en sûrs, on jouera à ces jeux a priori. Donc du coup, on vous en parlera pendant eh bien, de très longs mois encore. On espère que ça sortira tout bien, sans crunch, avec des conditions de travail pour les développeurs qui soient quand même très très très très cool. On ne peut que leur souhaiter. Sur ce, à bientôt et que la force soit avec vous. Surtout.